gagné. Et je serai fier de toi. Entraîne-toi et sois le premier. Ne te relâche surtout pas. Reste sage, concentre-toi, recommence encore une fois pour moi. Car tout ça, je ne le fais. Virtuelle.